Oye, Dolores, vamos a bailar. Oye, escucha, qué buena melodía. Pour votre plaisir, son excellence est la Jomar Bongo, médiateur indispensable pour l'Afrique. Jeta, au pati sangwa ma bé. Na pesa ka omote majeta Pote yo batela yo te kisi Yo baby saka la simalanga Solo la kamweni yezio Sote mesa na mama Na baku ya bolingo Jeta Banza kanai mama Théodore Gema Obiang La génération d'avenir. Chérie, oh, vous allez à la cabane. N'zela na yo ya ke la si vos anakona ngai. Ma benga kayota mole kakalipa sana ngai. Si ma eko makande realite to bala na kao. Kasi to zwa ka chanso te a kobota. Na lo balini yo. Na benga na niyo jeta Jeta, yo pa di sangwa ma be Jeta pa bolingo, esi la kite Mui moko ima kapona moto nyoso Poni okanda, mote mando Tu connais la couleur musicale. Jeta, au pati sangwa ma bé. Yeba kabolingo, esi la kite. Moi no komi matapona moto nyoso. Moni okanda, mote mando kie ye ye. Jeta, au pati sangwa ma bé. Yeba kabolingo. Moi moko mi makapona moto nyoso Koni okanda, mote mando kie ye ye Na pesa ka omote majeta Pote yo batela yo te kisi Yo baby saka la simalanga Solo na kamweni yezio Sote mesa na mama Na baku ya bolingo Jeta Banza kanga imuwa na mama Yanga mote mamo baby Pona maka nisina yoe Na mesa na poko anyo soyo Feme linanga Tina nini toka mwana narika Mwana ebi tina teo Ngala mboi koswana Zonga o Ngala mboi matata o Yaka o Ernest Ajovi La force Décora Martin Bongo Maxime Gonzion Maria Jeta Bolingo Yaka Maria Jeta Bolingo Depuis Abidjan, j'appelle Constant et Claude Bassoli de Chauville. Iman Badreddine pour toute musique. Maître Hervé Obondi affronte ton label. Mariage est abolingo, yaka. Mariage est abolingo, sona. Na pesa abolingo, mwana ya d'adresse. Yo talinga y papa. Un instant, wana de bolingo, mwana mama, na benga na yo. Mariage ta Maria, yaka. Mariage ta Maria, yaka.